Accordéon Parade. Accordéon Parade, c'est un plateau d'accordéonistes. C'est le bonjour de l'accordéon tous les dimanches de 9h à 10h. Avec Michel et ses amis du Piano à Rotel. Et Accordéon Parade, c'est une émission pour les mordus du dépliant. 100% musette sur la bande FM. Commencer, eh bien, j'ai fait appel à un sympathique jeune homme, à Daniel Roger, qui va nous interpréter un passo doble. Thank you. Merci à Hugo et ses amis de la Rancho Grande Vallée qui viennent de nous interpréter un air de leur pays. Et maintenant, c'est un jeune homme qui a commencé à apprendre à jouer de l'accordéon à 17 ans. Auparavant, depuis l'âge de 6 ans, il jouait du banjo. Et savez-vous qui c'est? Non? Eh bien, c'est le tonton du Musette. Connu d'autres vins ma foi, mais il n'y a pas meilleur que toi. Approchez-vous, puis tous les amis, pour remettre ça. Là. À Guy Elchumann qui nous vient du Beaujolais. Guy Elchumann commence à jouer l'accordéon à 17 ans et il joue bien. Allez, on va continuer N5 avec une sympathique jeune fille, Marielle Roy, qui nous interprète eh bien, un classique de l'accordéon, le retour des hirondelles. Et passez la bonne année! Thank you. Merci à Mademoiselle Yvette Turner qui vient nous interpréter le Merle Blanc. Et on continue, oh, on continue. Et oui, c'est Ludovic Beyer qui nous amène un petit peu d'argent. We'll be right back. El Gaucho était le titre de ce tango interprété par Vettès. Et bien maintenant, si on allait faire un petit tour au bord du Guignon, un petit ruisseau assez agréable qui se trouve vers Sancerre, et c'est Lulu Charleux qui nous invite à aller se promener au bord du ruisseau du Guignon. Accordéon Parade. Accordéon Parade, c'est un plateau d'accordéonistes. Le bonjour de l'accordéon tous les dimanches, à partir de 9h et jusqu'à 10h. Et Accordéon Parade, c'est une émission pour les mordus du dépliant. 100% musette sur la bande FM. C'est Michel qui vous propose cette émission avec ses amis accordéonistes. Et oui, ça me fait sourire parce que il y a quelques instants, avec Lulu Charleux, nous étions au bord du Guignon, un ruisseau assez sympathique qui se trouve dans le Morvan. Et savez-vous qui avait, quel était les, il y avait du monde au Guignon autour du buisson ruisseau. Et bien, il y avait Adam et Ève avec notre ami Hector Delfos. We'll be right back. Merci à Electronicas qui vient de nous interpréter cette merveilleuse marche. Et on continue bien sûr Accordéon Parade avec un anniversaire. Et oui, mardi, le jour de la rediffusion de l'émission, notre ami, le grand accordéoniste que j'ai rencontré plusieurs fois, Marcel Azola, mardi 10 juillet, eh bien Marcel Azola aura 90 printemps puisqu'il est né le 10 juillet 1927 à Paris, vers Montmartre. Alors on va souhaiter un bon anniversaire à Marcel Azola avec plein de bonheur et plein de bonne santé. Et puis on va l'écouter dans un morceau qu'a composé Maurice Denoux, Légende parisienne. Et bon anniversaire à toi Marcel, monsieur gentillesse comme on l'appelle. Eh bien, bon anniversaire encore une fois à Marcel Azola qui aura 90 printemps mardi. Allez, et merci à Jules l'Ancien de nous avoir interprété la bodega sympathique, sympathique Paso Doble. Et maintenant, on va écouter un jeune de l'accordéon, vous l'avez déjà entendu, c'est Romain Pruvot qui a 18 ans et qui va nous interpréter l'indicatif de l'émission Accordéon Musette. Et bravo! Et bravo à Romain Pruvot de nous avoir interprété l'indicatif de l'émission Accordéon Parade! Et ça tourne! André Verschuren va nous interpréter Cascadeuse. Monsieur André Verschuren. Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et oui, vous venez d'écouter Accordéon Parade. Accordéon Parade est une émission que vous a proposé, que vous a présenté Michel ce dimanche sur les 91 MHz de votre radio sympathique sur GFM. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter l'émission mardi à partir de 10h. Et toute la semaine en podcast sur les 91 MHz de votre radio sympathique sur GFM. Alors les valseurs ! Eh bien les valseurs vont aller se reposer. Oh pardon, je vois que certains valseurs partent en vacances. Eh bien bonnes vacances à vous tous et à vous toutes et à bientôt. Allez, bye bye. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bon dimanche. Et pourquoi pas, bonnes vacances si vous êtes en vacances. C'est Michel qui est en votre compagnie pour une heure de détente, une heure de bonne humeur. Tiens, pourquoi pas, pour commencer les vacances. Comment allez-vous, auditrice, auditeur de Sorgia FM ? Pas trop chaud ce dimanche ? Ah oui, je vois, vous êtes au bord de la piscine. Ah, vous avez trouvé la fraîcheur ! Vous êtes des petits malins ! Eh bien, je vous souhaite bonne piscine, bon dimanche ! Ce dimanche, eh bien, on va aller faire une petite balade nord-irlandaise. Je voulais planter un long. Et puis, comme on ne peut pas aller si loin en Irlande, eh bien, moi, je vous souhaite avec Magali une bonne journée à la campagne, dans nos montagnes. Magali. Sa petite paire de noix gonfle un petit poil sa mini-jupe. Elle a des gambettes comme un fil à couper le roquefort. Ses petits os plats sous son chemisier me préoccupent autant que le joli sourire qui lui sert de passeport. C'est pour ça qu'on l'aime dans notre HLM. Chez le beau Riri ou dans le bistrot de la mère Tadzi. On l'appelle fils de mouche fleur de banlieue. Sa taille est plus mince que la retraite des vieux. Elle chante tout le temps sans finir sa chanson. C'est la faute bien sûr à ses tout petits poumons. Elle allait aux prises uniques acheter ses panzanis. Moi j'attendais que la vendeuse me donne mon riz précuit. Elle me dit Dieu me chatouille, vous êtes le beau Pierrot. Et paroles de cuisse de mouche, c'est vous que j'ai dans la peau. C'est pour ça qu'on l'aime dans notre HLM. Chez le beau Riri ou dans le bistrot de la mère Tadzi. On l'appelle cuisse de mouche fleur de banlieue. Sa taille est plus mince que la retraite des vieux. Et si la pauvrette n'est pas très gastronome, c'est la faute bien sûr à son petit estogomme. Elle m'explique alors que son petit fiancé est pitoyable. Depuis qu'il s'est fait court-circuiter le piège à mémé, il a plutôt l'air d'une virgule dans Les Misérables que d'un trait d'union dans la mandelée des Chatterley. C'est pour ça qu'on l'aime dans notre HLM, chez le beau Riri ou dans le bistrot de la mère Tadzi. On l'appelle Chris de Mouchefleur de banlieue. Sa taille est plus mince que la retraite des vieux. De deux choses l'une, quand elle s'assied tendrement, son cul est trop petit ou mes genoux sont trop grands. Comme elle est très pieuse, on a couru vers l'abbaye, et le radis noir de sa paroisse nous a bénis. Puis ce fut le grand départ vers notre lune de miel, dans un hôtel d'Arpajon, on connut le septième ciel. Et depuis on s'aime dans notre HLM, chez le beau Riri ou dans le bistrot de la mère Tati. On l'appelle Chris de Mouchefleur de banlieue. Sa taille est plus mince que la retraite des vieux. Mais je peux vous dire à vous tous en passant que de tous les cœurs c'est le sien le plus grand. Mais je peux vous dire à vous tous en passant que de tous les cœurs c'est le sien le plus grand. Bravo, bravo, et vous êtes bien sur les 91-91 MHz de Sorgia FM. Et puis, vous savez, c'est les vacances. Alors, les vacances, les gens des villes aiment faire un petit tour à la campagne, parce qu'à la campagne, on est bien. Mais souvent, les gens qui sont dans les villes, dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, autres, quand ils sont à la campagne, ils rouspètent. Ils rouspètent parce qu'ils disent, oh, on entend les clarines, on entend la cloche, on sait là. Eh bien non, ne touchez à rien, ne touchez pas à ces beaux trésors de campagne. Et c'est Barbara Deschamps qui nous le dit. Tu ne peux plus supporter les cloches de l'église. Tu dis qu'elles te rendent fou de leurs notes de musique. Tu voudrais faire cesser toutes les heures du village qu'on te laisse rêver dimanche et bien davantage. Mais je crois que tu as la mémoire courte. L'église était là bien avant ta maison. fallait pas t'installer aussi près d'un clocher si tu peux pas supporter d'écouter sa chanson. Nous on ne te dit rien tous les samedis matins quand tu viens nous brancher ta tondeuse à gazon. Où que tu ailles, d'où que tu viennes, essaie au moins de respecter les fondations qui seront les tiennes, puisque toi, tu viens d'arriver. Ne touchez pas à nos fontaines, elles coulent ainsi depuis tant d'années. En venant boire à leur margelle, ne venez pas les abîmer. Tu as pris rendez-vous chez monsieur le maire et ses adjoints pour venir leur parler du poulailler de ton voisin. Tu dis que la basse cour écorche ton nez et tes oreilles, qu'il faudrait déporter fermier volatile et fermière. Mais je crois que tu as la mémoire courte. Le voisin dont tu parles n'avait pas de voisin. On ne va pas égorger son coq et ses poules parce que monsieur est resté à moitié citadin. Nous, on ne te dit pas qu'il faudrait fusiller ton idiot d'animal qui fait que d'aboyer. Où que tu ailles, d'où que tu viennes, essaie au moins de respecter les fondations qui seront les tiennes, puisque toi, tu viens d'arriver. Ne touchez pas à nos fontaines, elles coulent ainsi depuis tant d'années. En venant boire à leur margelle, ne venez pas les abîmer. Vous êtes venus prospecter nos villages et nos chemins de pierre, un portefeuille à la main et des dollars dans les prunelles. Vous venez convertir nos montagnes et toutes nos rivières en richesse et profits attirés de nos terres. Mais vous avez, je crois, la mémoire un peu courte. On s'est bien débrouillé quand on manquait de tout. On ne va pas laisser faire votre armée de soldats qui viendrait tout casser en se moquant de nous. On ne vous a pas demandé de nous changer nos rêves, nous qui avons rêvé de garder nos fontaines. Ne touchez pas à nos richesses, elles n'ont de prix que de les aimer. Un clocher d'église, une fontaine, c'est un héritage que j'aimerais garder. Et oui, nous avons de beaux trésors dans nos campagnes.

Ah, il me dit là où a eu lieu le débarquement. En Normandie, à Caen. Je dis voilà. Eh bien, il me dit prenez le car. Je dis par Caen. Il me dit par au car. Et j'ai dit le car est passé. Eh bien, il me dit si le car est passé, vous l'avez raté. Alors je lui dis le prochain. Il me dit le prochain, il part à 7. Je lui dis mais il va à Caen. Il me dit non, il va à 7. Puis je lui dis moi je ne veux pas aller à 7, je veux aller à Caen. Il me dit d'abord qu'est-ce que vous allez faire à Caen. Je lui dis rien, je veux rien y faire. Eh bien, il me dit, si vous n'avez rien à faire à Caen, allez à 7. Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à 7? Il me dit rien. Ah, je dis, bon, alors, si j'ai rien à y faire, alors d'accord. Alors, je lui dis, pour 7, il part à combien? Eh bien, il me dit, il part à 19, mais avec le chauffeur, ça fait 20. Je lui dis, mais il est 20. Il me dit, alors vous l'avez encore raté. Alors je lui dis, c'est trop tard. Il me dit, pour 7, oui, mais si ça vous dit d'aller à 3, j'ai encore une place dans ma voiture. Mais je lui dis, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à 3? Il me dit, prendre le car. Ben, je dis, pour où? Il me dit, pour quand? Mais je lui dis, comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où? Il me dit, comment? Vous ne savez pas où et quand? Je dis, mais si je sais où et quand, ça fait une demi-heure que je vous dis que c'est dans le Calvados, que c'est là où je veux passer mes vacances, parce que j'ai rien à y faire. Oh, il me dit, ne criez pas, on va s'occuper de vous. Alors il a téléphoné au dépôt, mon vieux, à 22, le car était là, les flics m'ont embarqué à 3, et je suis arrivé au car où j'ai passé la nuit. Voilà mes vacances. Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et vous êtes en compagnie de Michel qui vous propose une heure de détente, une heure de bonne humeur, et c'est tous les dimanches de 10h à 11h. Maintenant, on va écouter John Baez, artiste qui nous vient d'Amérique, des États-Unis, et une grande chanteuse dans les années 70. C'est ce qui se produit encore. Elle s'est produite dernièrement à Paris, à Bobino. Oui, je crois, Bobino, et elle a été arrêtée par la police, elle a passé la nuit au poste, car John Baez avait fait du bruit dans la nuit, elle se croyait tout permis. Et dites donc, vous savez qu'elle a 77 ans, elle est née le 9 janvier 1941, mais, et c'est une grande vedette, mais c'est pas pour ça qu'il faut faire la loi. Mais on va l'écouter ce dimanche à Ocanganterre, John Baez. Olé. Je n'aurai pas le temps, pas le temps, même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps, pas le temps. Toute l'immensité d'un si grand univers, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur, j'aime de tous mes yeux. C'est trop peu pour tant de cœurs et tant de fleurs, des milliers de jours. C'est bien trop court, c'est bien trop court. Pour aimer comme l'on doit aimer, quand on aime vraiment, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps, pas le temps. Je n'aurai pas le temps, pas le temps. Eh bien, je viens de recevoir un sympathique coup de téléphone. M'ont demandé si j'aurais le temps de passer une dédicace, ce que j'avais. Eh bien, j'ai Nolène Leroy qui va nous chanter une chanson. Eh bien, on va passer cette chanson. Et c'est la part des deux M pour Nini à Génicia qui fête son anniversaire. Alors, on va souhaiter un bon anniversaire à Nini de la part des deux M. Et puis, on va lui passer Nolène Leroy. Alors, bon anniversaire à Nini de la part des deux M. Alors, Nini qui habite Génicia. Allez, on écoute Nolène Leroy. Bon anniversaire. T'aidera, murmure une petite voix, voilà ton mantra, et tu traces ton chemin, t'avances, des ours tu n'attends rien, solitaire tu navigues, en brise-glace, et tu traces ton chemin, oh. Sans répit, et tu traces ton chemin, il faudrait stopper le monde et demain. Vous aimez l'accordéon? Tous les dimanches, Michel vous donne rendez-vous dans son émission Accordéon Parade. C'est de 10h, c'est de 9h à 10h. Émission qui est diffusée le mardi à partir de 10h. et c'est toujours sur votre sympathique radio Sorgia FM 91 MHz. Vous avez manqué ces deux rendez-vous, le dimanche et le mardi ? Eh bien, je vous signale que vous pouvez écouter Accordéon Parade et d'autres émissions en podcast sur Internet sur GFM. Amateurs de bonne musique, amateurs pour la détente, n'oubliez pas d'écouter les 91 MHz de sur GFM. C'est des vacances ? Eh bien, profitez-en. Détendez-vous. Soyez relax. Et c'est en écoutant sur GFM. Sur le net, sur GFM. Tout ça pour écouter sur GFM. De Gouzon à la Souterraine, de Guéret jusqu'à Aubusson, on est bien quand on se promène, la Creuse oxygène les poumons. C'est la marche de la marche qu'on chante sur les petits chemins, là où le bonheur se cache, là-bas au cœur du Limousin. On va de village en village, qu'importe les kilomètres à pied. En regardant le paysage, ça fait du bien de respirer. Le long des bouchures, parfois on croise des VTT. On cueille des noisettes et des mûres, des cèpes ou des rosées des prés. C'est la marche de la marche qu'on chante sur les petits chemins, là où le bonheur se cache, là-bas au cœur du Limousin. La marche de la marche, qu'on chante sur les petits chemins, là où le bonheur se cache, là-bas au cœur du Limousin. Je suis disque jockey. Je n'aime plus la musique. Je ne joue que des navets. J'en attrape des coliques. Je travaille la nuit, même pendant les vacances. Je suis là et je m'ennuie. les autres danseurs. Moi qui n'aime que le rock'n'roll, je vous jure que je suis servi. Tous les soirs, qu'est-ce qu'on me demande? Des slow, encore des slow. J'aime pas les slow. Quand je vous vois là tous sur la piste, bande de cloches, les yeux fermés, occupés à faire du surplace, pas beau à voir que vous êtes, pas beau à voir. Je suis disque, jockey. Je n'aime plus la musique, pardon, pas du tout. Je ne joue que des navets. J'en attrape des coliques. Trois heures et demie, bientôt la fermeture, les enfants. Ça y est, devinez qui vient d'entrer. Monsieur Jean-Paul et son ami Christian. Voilà, ils se mettent au bain. Bonsoir, monsieur Jean-Paul, bonsoir, monsieur Christian. Manquez plus que ces deux-là. Une fois qu'ils s'installent, plus moyen de les faire démarrer. Allez, c'est parti pour toute la nuit. Je suis disque, jockey. Aïe, aïe, aïe, aïe. Je n'aime plus la musique. Je ne joue que des navets. J'en attrape des coliques. Hé hey oh, c'est pas fini. Tant qu'il y a des clients, la musique continue. Allez, il y en a un qui vient de se réveiller. Qu'est-ce qu'il me demande? De l'accordéon? Comment? J'en ai pas, je te dis, de l'accordéon. Mais quoi? Eh bien si, il y a de l'accordéon sur Sorgia FM. Bien, c'est fini pour l'émission. Bye bye bye. Bye bye. On se retrouve bientôt pour une autre émission d'accordéon et de variété. Lundi pour la rediffusion et dimanche prochain pour le direct. Réalisé, programmé et mis en onde et présenté par Michel. Allez, passez un bon dimanche, une bonne semaine. Et bye bye.